بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 30 dans l'explication des règles qui ont rapport avec certaines règles qui sont reliées au sujet du mariage et du divorce et de la vie conjugale et tout ça. Donc on est arrivé maintenant à un nouveau chapitre. Je ne sais pas si on aura le temps, mais Inch'Allah, en principe, si on a le temps, on va finir cette section au complet. Donc la partie mariage, divorce et tout là, Inch'Allah, si on peut le finir aujourd'hui, on va le terminer. Comme ça, après, on commence une nouvelle section à propos des règles qui ont rapport avec le talion et les crimes et les peines et des choses de ce genre. Donc, ici, le chapitre d'aujourd'hui, le chapitre qu'on va expliquer, c'est un chapitre qui est important, qui s'intitule « Babun fi nafaqati zawja », c'est-à-dire un chapitre au sujet de l'allocation de l'épouse, c'est-à-dire ce que la femme a droit en tant qu'allocation soutien de la part de son mari en ce qui concerne l'apport financier et les biens auxquels elle a droit par rapport au mariage. Et on appelle cela en arabe « an-nafaqa ». An-nafaqa, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme dépense de ses biens et de son argent pour sa femme. Et on dit aussi « an-nafaqatu zawjiyya ». « An-nafaqatu az-zawjiyya ». Donc, les dépenses matrimoniales ou les allocations matrimoniales. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, hafadahullah, dans Al-Mulakhas Al-Fiqhi, « An-nafaqatu jam'u nafaqa, wa hiya lughatan ad-darahim wa nahwuha min al-amwal, wa shar'an kifayatu man yamunuhu بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها. Donc il dit que an-nafaqat, c'est le pluriel du mot nafaqa, qui veut dire en arabe des pièces d'argent ou des biens, hein, ou des choses qui sont de ce genre-là. Et dans la religion, ça veut dire yani, ce qui est suffisant comme bien, selon la bienséance, selon qu'est-ce qui est coutumier, de donner à son épouse comme nourriture, comme vêtements, comme hébergement et tout ce qui découle de ça. Hein? Comme par exemple, s'il y a un besoin de traitement médical ou médicaments ou hein, des choses comme ça. Donc ça rentre là-dedans aussi. Et le Cheikh, il dit « Wa awwalu ma yajibu ala l'insan an-nafaqatu ala zawjatihi » فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها. Donc le cheikh il explique que la première obligation qu'il y a en tant que allocation pour une personne, c'est l'allocation qu'il doit payer envers sa femme. Donc l'homme, il a le devoir et l'obligation de veiller à tout ce que sa femme a de besoin sur le plan financier, et c'est-à-dire que il doit lui fournir la nourriture, les vêtements et l'hébergement, l'endroit où elle va habiter. Et il dit « bima yasluhu li mithliha », c'est-à-dire ce qui lui convient par rapport à son rang ou par rapport à ses moyens, qu'est-ce qu'il est capable de lui fournir. Et quand on dit ça, c'est important, surtout à notre époque. Parce qu'on vit à une époque où les koufars, ils appellent à ce qu'ils prétendent être l'égalité des genres. Et on sait que dans l'islam, il n'y a pas cette égalité des genres. Pourquoi? Parce qu'en islam, l'homme, c'est le chef de la famille. Et c'est le responsable de la femme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Al-rijalu qawwamuna ala al-nisa, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, wa bima anfaqu min amwalihim. » C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les hommes sont les responsables des femmes parce que Allah a préféré ceux-ci sur celles-ci et parce qu'il a et à cause de ce qu'ils dépensent. Obima anfaqu, hein, ils donnent un nafaqa, hein, min amwalihim, ils dépensent de leurs biens. Ça implique quoi? ça implique que la femme, dans l'islam, c'est une obligation, c'est une obligation pour son mari de dépenser de ses biens pour son épouse et pour lui fournir tout ce qu'elle a de besoin. Donc, un homme musulman, il n'a pas le droit de dire, par exemple, « Ah, tu as ton argent, donc moi, je n'ai pas besoin de dépenser pour toi. C'est pas à moi de faire ça. Tu as ton argent, tu dépenses pour toi-même. Tu veux acheter des vêtements, tu les achètes avec ton argent. Tu veux manger, tu achètes la nourriture avec ton argent. Tu veux, par exemple, habiter quelque part, alors c'est toi qui payes le loyer. Ou bien on paye moitié-moitié. Moi, je paye une partie, toi, tu payes une partie. » Comme c'est le cas dans les sociétés maintenant, chez les koufars, c'est comme ça qu'ils s'entendent des fois sur ces choses-là. Ils disent, bon, on va payer moitié-moitié. La femme, elle travaille, l'homme, il travaille. Et chacun, il pense que c'est une tâche qui est à partager les frais de ces choses-là. Disons que si, par exemple, un homme et une femme, par exemple, elle est riche en islam. Supposons que cette femme, elle a hérité d'une grande richesse de la part de son père et qu'elle a de l'argent à la banque, ok, et que lui, le mari, il est en haut du seuil de la pauvreté, mais il n'est pas riche, mais en même temps, il n'est pas aisé. C'est quand même une obligation pour lui de payer et de veiller au bien de sa femme et de lui fournir les vêtements, la nourriture, le logement et tout ce qui suit. Et il ne peut pas dire, ah, puisque ma femme est riche, je vais vivre à ses dépens et c'est elle qui va s'occuper de nous financièrement. Il n'a pas le droit même de demander à sa femme de participer à ça de façon obligatoire. Si elle veut donner, si elle veut dépenser, c'est de son propre choix et ce n'est pas obligatoire pour elle de le faire. Et si elle le fait, c'est une sadaqa pour son mari. C'est comme si elle faisait la charité à son mari en réalité. Et bien entendu, Allah va la récompenser pour ça. D'accord ? Allah va la récompenser pour ça parce qu'elle aide son mari financièrement en lui faisant une sadaqa et en le dispensant d'une partie de ses obligations et de ses responsabilités. D'accord ? Ça, c'est très important à comprendre. Donc, et malheureusement, beaucoup de musulmans à notre époque, soit ils ont ignoré les règles de l'islam, ou soit ils n'ont pas donné à la religion une importance assez grande. Alors, ils pensent que ces choses-là, c'est comme si on peut s'arranger comme on veut. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Et j'ai entendu des histoires très tristes à ce sujet-là, de certains maris qui, lorsque, par exemple, ils se marient, ils disent à leur femme, « Bon, là, tu t'en vas travailler. » Et c'est toi qui vas payer, tu vas dépenser, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et même il y en a qui ont fait venir leurs femmes ici dans les pays de Kufr, puis qu'ils leur disent, une fois qu'elles sont ici, moi je veux pas que tu restes à la maison et tu vas aller dehors et tu vas aller travailler. Et si tu dois enlever le hijab, tant pis, tu l'enlèves, ça c'est pas mon problème. L'important, moi je veux pas que je veux que tu travailles, tu dois faire rentrer de l'argent. Hein? Parce que pour eux, la dunya c'est pour... Hein? C'est pour on vit pour la dunya seulement. On ne vit pas pour l'akhira. Nasallallahu al-afiyah. Le cheikh, il dit, parmi les preuves à ce sujet que l'homme a la responsabilité de dépenser pour sa femme, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7, dans surat al-Talaq, « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَقَالَ تَعَالَ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَأَبُو دَاوُدِ. Donc ici, le cheikh, il cite ce verset qui est le verset 7 dans surat al-Talaq, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie que chacun qui a les moyens, qui vit dans l'aisance, dépense de ce qu'il possède comme aisance. Hein, ou يعني ذو ساعة من ساعته, s'il a beaucoup d'argent, il donne de ce qu'il a, hein, par rapport au bien qu'il a. Et également le verset 228 dans surat al-Baqara, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, c'est-à-dire elles ont des droits qui correspondent à leurs obligations, hein, et à leurs responsabilités selon la coutume. Donc, l'homme, la femme, elle a des obligations, l'homme, il a des obligations, la femme, elle a des droits, et l'homme, il a des droits. Hein? Et il dit, dans le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Muslim et Abi Daoud, elles ont sur vous le droit de la subsistance que tu dois leur donner, la nourriture les vêtements aussi, selon la coutume. Selon la coutume. Et il dit ensuite, وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويدخل في ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها وأن مرد ذلك إلى أن يتعارفه الناس إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويجعلونه معدودا ويتكرر انتهى كلامه. Donc il dit ici, Cheikh l'Islam, que dans le verset, et elles ont des droits qui correspondent à leurs obligations, hein, selon la coutume, c'est-à-dire que tous les droits que la femme possède sur son mari, hein, tout ça, c'est établi par l'Islam, et on peut également se référer dans ces choses-là à ce que les gens ont comme coutume entre eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre la coutume des gens qui, comme par exemple dans certains pays, qui ont des coutumes, qui vivent de manière qui contredit les règles de l'islam, puis on va dire, ah, on va vivre selon la coutume de ces gens-là. Non, la coutume dans ce qui ne vient pas en contradiction avec la charia de l'islam. Hein? Parce que bil ma'ruf, ça veut dire, yani, selon la bienséance, et en même temps, ça veut dire bil'urf, ben, selon al'urf, selon qu'est-ce qui est connu dans la société. Et donc, selon les façons que les gens, par exemple, ils dépensent sur leurs épouses, selon leur niveau social, selon leurs moyens, hein, qu'est-ce que habituellement un homme dépense pour sa femme, c'est ça qui est la coutume, en fait. Hein? Et c'est qu'est-ce qui est devenu une coutume dans le sens que c'est ce qu'ils prennent en considération et c'est ce qui est répété, hein, dans les familles. Après, le cheikh, il dit, ويعتبر الحاكم تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارا وإعصارا أو يسار أحدهما وإعصار الآخر عند التنازع بينهما. Donc si par exemple il y a un désaccord entre les deux époux, supposons que l'époux il donne pas assez à sa femme elle se plaint de lui, ou bien yani, sa femme elle demande trop, hein, et lui il a pas assez, hein, ou bien il a beaucoup puis elle trouve qu'il donne pas assez. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? La femme peut aller voir le juge, hein, et se plaindre ou de dire, écoutez, mon mari, il a de l'argent, mais il ne me donne pas assez. Ou bien l'homme qui va dire, ma femme me demande beaucoup, puis yani, moi, je n'ai pas les moyens. Donc, c'est le juge qui va déterminer, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est l'allocation que le mari doit donner à sa femme. Et il va tenir compte dans ça de l'état des deux époux, soit qu'il est dans l'aisance ou qu'il est dans la difficulté, ok, et il va prendre ça en considération, soit que il prend l'état de la considération des deux époux ou l'état de l'un des deux. Et il dit fa yufradu lil musara تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت الموسر في محلها ويفرد لها في الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليق بمثلها في ذلك البلد ويفرد للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش والأثاث ما يليق بمثلها في البلد ويفرد للمتوسطة مع المتوسط من الغنية والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى وهو نفقة الموسرين والأدنى وهو نفقة الفقيرين بحسب العرف والعادة لأن ذلك هو اللائق بحالهما. Donc ici, le cheikh, il explique que le juge, il va déterminer pour la femme qui vient d'une famille d'aisance, hein, qui a des moyens, et qui est sous, qui a un mari qui, lui aussi, est dans l'aisance. Eh bien, il va déterminer pour elle une allocation qui lui suffit. Et elle va donc manger selon une femme aisée mange lorsqu'elle est mariée avec un homme aisé, hein, qui a des moyens. Et en ce qui concerne les vêtements, eh bien, c'est la même chose. Ils vont tenir compte de ce que les femmes de cette classe sociale ou de son statut social, des moyens qu'ils possèdent, qu'est-ce qu'elles portent dans ce pays-là en particulier. Et puis, ils vont prendre ça comme une sorte de référence pour établir ce qu'elle aussi doit recevoir. Donc, si par exemple les femmes de tel revenu ou de telle classe sociale dans cette société-là ou dans ce pays-là ou dans cette ville-là, elles portent tel vêtement ou tel tissu ou telle chose, alors si son mari il est lui aussi dans l'aisance, puis qu'il lui refuse de dépenser pour elle, pour qu'elle puisse porter elle aussi les vêtements que ces femmes, les femmes de son statut portent, alors dans ce cas-là, ils vont lui imposer de dépenser pour elle ce que les autres femmes peuvent se permettre aussi. Et c'est la même chose aussi pour ce qu'il y a rapport avec par exemple, le lit, les sofas, et les appareils ou tous les trucs qui ont rapport avec l'aménagement dans la maison, les meubles et tout ça. D'accord? Donc, si par exemple une femme, son mari, il est aisé et elle aussi, et puis la femme, par exemple, elle dit, moi, je vais avoir des beaux meubles, et je vais avoir les meubles que les gens de notre statut sont capables de se payer. Puis le mari dit, non, non, on va mettre des trucs vraiment cheap, hein, des choses qui valent pas cher. On va acheter des affaires de basse qualité ou des choses comme ça, parce que moi, je veux vivre comme ça. Et elle dit, non, ça, c'est mon droit. Moi, j'ai ce statut, j'ai les moyens, donc je veux me permettre ça. Et dans ce cas-là, il faut que le mari lui fournisse ce qui lui convient. Et il dit par exemple aussi, si par exemple une femme pauvre qui est mariée avec une femme pauvre qui est mariée avec un homme pauvre, eh bien lui, cette femme pauvre, elle va demander à son mari son droit de la nourriture, des vêtements et des meubles qui lui correspond, hein, selon son statut ou selon son niveau de vie dans ce pays-là. Elle ne peut pas demander à son mari plus que ça, puisqu'il n'a pas les moyens. Puis en même temps, les gens de son statut ou de son niveau de vie, qu'est-ce qu'ils possèdent, eux, ils n'ont pas plus que ça non plus. Donc, elle ne peut pas exiger plus. Et il dit, si c'est quelqu'un qui est intermédiaire, c'est-à-dire il n'est ni riche ni pauvre, il est dans la classe moyenne, donc c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Il va lui fournir ce qui lui convient par rapport à son statut. Et si une femme riche, elle est sous l'autorité d'un mari qui est pauvre, ou bien elle est mariée avec un mari qui est pauvre, ou une femme pauvre qui est mariée avec un homme riche, eh bien, on va considérer le niveau entre les deux degrés. Donc, ça va être ni le niveau du pauvre, ni le niveau du riche, mais un niveau intermédiaire. Hein? Et on va prendre la plus basse le plus bas des deux niveaux, yani, par rapport à ceux qui sont dans l'aisance, s'ils sont dans l'aisance, et le niveau de ceux qui sont dans la pauvreté. Puis on va prendre celui qui est entre les deux, parce que chacun des deux époux ont un statut différent. Selon la coutume, et selon la bienséance, et il y en a bel ma'rouf, il y en a selon la bienséance et selon la coutume. Ensuite, c'est selon ce qui convient à l'état des deux époux. Après, le cheikh, il dit, et même dans le verset justement, liyum firdou sa'atim min sa'ati, dans surat al-talaq, si on lit le verset au complet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wa man qudira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra." Donc ce verset là ça clarifie donc justement le fait que si quelqu'un il a pas plus de moyens, alors il donne ce que Allah lui a donné, hein, que celui qui est aisé dépense de sa fortune. Et celui dont les biens sont restreints dépense selon ce que Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Et Allah fera succéder l'aisance à la gêne. C'est-à-dire, après la gêne, il aura de l'aisance, hein, par la permission d'Allah. Donc, chacun donne selon ce qu'il est capable. Après, le cheikh, il dit: Wa ala zawj mu'unata nadafati zawjatihi min duhnin wa sidrin wa sabunin. C'est-à-dire que l'homme, le mari, il doit procurer à sa femme tout ce qui lui est nécessaire pour se laver et se nettoyer, comme des huiles, des feuilles de cèdre, du savon, de l'eau pour boire et pour se purifier et pour se laver. Hein? Il dit wama dhukira huwa ما إذا كانت الزوجة في عصمته أما إذا طلقها وصارت في العدة فإن كان طلاقها رجعيا فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدة كالزوجة لأنها زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. Donc il dit ça, tout ce qu'on a mentionné des droits de la femme sur son mari, c'est lorsqu'elle est sous son autorité ou lorsqu'elle est à sa charge. Mais s'il a divorcé, alors là, à ce moment-là, elle entre dans la période d'attente, la période de Idda. Et dans cette période de Idda, on va regarder, est-ce que c'est un Idda d'un divorce qui est raj'i ou non? C'est-à-dire, est-ce que c'est une Idda dans laquelle le mari peut la reprendre ou non? Et s'il peut la reprendre, alors ça veut dire que dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui de lui donner son allocation. Hein? Elle est sous sa charge économiquement encore. Parce que lorsqu'elle est dans la idda et que c'est une idda qui est raj'iyya et qu'il peut la reprendre, alors elle est toujours considérée comme étant son épouse. La preuve de ça, c'est le verset 228 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « et leurs époux ont plus le droit de les reprendre dans cela », c'est-à-dire pendant la période de Idda. Tandis que le cheikh il dit wa amma al mutallaqatu al ba'in baynunatan kubra aw baynunatan sughra yani fala nafaqata laha wala sukna lima fi as-sahihayn min hadith Fatima bint Qais radiyallahu anha tallaqaha zawjuha al-batta faqala laha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la nafaqata laki voilà sukna. Qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh? C'est que si le divorce de la femme, c'est un divorce qui est ba'in, c'est-à-dire c'est une séparation complète, soit majeure ou soit mineure. Qu'est-ce que c'est le ba'inunatul kubra? La séparation majeure, c'est quoi? C'est lorsque l'homme il a divorcé plus que trois fois. Alors là, une fois qu'il a prononcé le troisième divorce, elle va commencer sa idda, mais après sa idda, il ne peut plus la reprendre. Il ne peut plus se remarier avec elle, excepté si elle s'est remariée, puis que son autre mari l'a divorcée. Là, il pourra peut-être la marier, mais jusqu'à ce moment-là, il ne pourra plus se marier avec elle. Ou bien, une baynouna sughra, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a prononcé le divorce, il a le droit de la reprendre, mais il a laissé les trois mois de idda passer. Donc, il a été séparé complètement d'avec elle. Donc, maintenant, s'il veut se remarier avec elle, il peut. Hein? Il peut, mais il doit refaire un nouveau mariage. C'est ça la différence. Hein? Après que il a prononcé le divorce et que la idda est finie, ça c'est al-baynuna as-sughra, on l'appelle, la séparation mineure. Et dans cette situation-là, il n'y a pas de nafaqa. Il n'y a pas de nafaqa obligatoire pour l'homme, ni de donner à la femme quoi que ce soit, ni un hébergement, ni une allocation de la nourriture ou des vêtements ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est rapporté aussi dans Al-Bukhari et Muslim, selon Fatima bint Qais, lorsque son mari l'avait divorcée complètement, c'est-à-dire le troisième divorce, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu n'as pas droit à l'allocation ni à l'hébergement, c'est-à-dire ni à un logement. Donc, c'est-à-dire que le divorce, c'était une séparation complète. Donc, à partir de ce moment-là, la femme elle n'est plus à la charge de son mari hein, à ce moment-là. Et le cheikh, il dit, « Wa qala al-allamat ibn al-qayyim, rahimahullah, al-mutallaqatu al-ba'in, la nafaqata laha wa la sukna bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-sahiha. » بل الموافقة لكتاب الموافقة لكتاب الله وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث انتهى. Donc l'imam Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad il dit que la femme qui est divorcée d'un divorce complet, hein, séparation complète, elle n'a pas droit à une allocation quelconque ni à un hébergement selon la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Et ça c'est même en accord avec le Coran. Et c'est ce qui est impliqué par l'analogie et c'est la voie et la position des fuqaha du hadith. Fin de la citation. Après le cheikh, il dit « Illa an takuna al-mutallaqatu al-ba'in hamilan falaha al-nafaqa li qawlihi ta'ala wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yada'na hamlahunna. » Il dit, excepté si la femme qui est divorcée, séparée d'une séparation complète, est enceinte. Alors, à ce moment-là, elle a droit à la nafaqa jusqu'à ce qu'elle accouche. Hein? Et c'est basé sur le verset 6 dans Surat al-Talaq. Et celles qui sont enceintes, alors dépenser sur elles jusqu'à ce qu'elle, jusqu'à ce qu'elle accouche. Et il dit, وقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ولأن الحمل ولد للمطلق فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه. Donc il dit le cheikh, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6, dans surat al-Talaq, « Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum » c'est-à-dire « Faites-les demeurer à la même place où vous habitez vous-même, hein, où vous vous trouvez. La preuve est, dans ce verset-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Fatima bint Qais, lorsque son mari l'a divorcée d'une séparation complète, « Tu n'as pas droit à une allocation, excepté si tu es enceinte. » Excepté si tu es enceinte. Et ça, c'est rapporté selon Abu Daoud, An-Nasa'i, et à la base, il est dans Muslim. Et la version de An-Nasa'i, c'est dans la signification. Après, le cheikh, il dit, Waqala. Ah oui, c'est ça. Il dit, parce que la raison de ça, c'est parce que le bébé que la femme porte dans son ventre, il appartient à celui qui a prononcé le divorce. Et il n'est pas possible pour lui de dépenser ou de donner l'allocation à cet enfant-là, excepté en dépensant sur sa mère. Donc, il doit dépenser pour sa mère jusqu'à ce qu'elle accouche. وقال الموفق وغيره وهذا إجماع أهل العلم ولكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل ويتفرع على القولين أحكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية. Donc il dit que l'imam Ibn Qudama, al-Muwaffaq, Muwaffaq al-Din, il dit à propos de ce sujet-là qu'il y a un consensus des hommes de science que l'homme il doit dépenser sur sa femme lorsqu'elle est enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche. Sauf que les ulama ont divergé entre eux à savoir pourquoi elle a droit à cette allocation-là lorsqu'elle est enceinte. Est-ce que c'est à cause de qu'est-ce qu'elle porte, le bébé qu'elle porte, ou à cause à cause d'elle-même, hein, du point de vue que elle est enceinte. Et les ulama, ils ont donc, selon la position qu'ils ont pris, extrait plein de règles différentes à propos de ce sujet-là. Et on peut retrouver les détails de ces règles-là dans les livres de fiqh et dans les livres des règles du fiqh aussi. Ben, en fait, d'après qu'est-ce que ceux qui donnent des allocations, par exemple, lorsque des gouvernements donnent des allocations, eux, en principe, ils destinent ou ils attribuent l'allocation pour quelque chose, pour une chose quelconque. Soit ils l'attribuent pour aider les familles par rapport à leurs enfants, ou soit les allocations, c'est y en a pour aider les familles ou différentes raisons. À la base, si on tient compte du fait que le mari, c'est lui le chef de la famille, donc à la base, c'est lui qui devrait gérer ces allocations-là. Même si, par exemple, le gouvernement, ils attribuent une allocation à la femme, hein, et qu'ils écrivent le chèque au nom de la femme, eh bien, la femme, elle devrait accepter que c'est son mari qui doit gérer cet argent-là, puisque c'est le chef de la famille. Et donc, il devrait avoir la décision et le droit de décider comment il va dépenser et gérer cet argent-là pour le bien de la famille. Toutefois, si c'est une source de conflit et que ça crée des disputes dans le couple, comme c'est souvent le cas malheureusement, parce que des fois les femmes elles disent non, ça c'est mon argent ou c'est moi qui le prends, alors là ça crée des grosses disputes. Alors dans ce cas-là, ils pourraient s'entendre, comme j'ai entendu une fois une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafadahullah, qui disait que dans ce cas-là, ils pourraient s'entendre à prendre moitié-moitié et à gérer chacun leur partie de l'allocation pour éviter les disputes. Hein? Bon, ils disent, bon, ok, toi tu vas prendre la moitié, moi je prends la moitié, puis chacun on va gérer. Ça, c'est dans le but de s'il y a vraiment pas moyen de régler l'affaire et que la femme, elle n'accepte pas de remettre l'argent à son mari. Parce que c'est souvent certaines femmes sont comme ça. Mais en fait, peu importe d'où est-ce qu'ils trouvent l'argent, peu importe, comme si par exemple, quand ils font la famille, là, quand ils vont faire leur budget, ils vont faire leur budget en tenant compte de toutes les rentrées d'argent et de toutes les sorties. Et les allocations vont faire partie du total de ces rentrées d'argent-là. Donc, à la fin, c'est à eux de gérer sur quoi ils vont le mettre, cet argent-là. Donc, ça revient à la même chose, peu importe la source de cet argent. Que ce soit de l'allocation ou autre. Par exemple, il peut dire, bon, on va utiliser l'argent de l'allocation pour payer telle chose, puis on prendra de l'argent pour les enfants dans d'autres argents qu'on va recevoir, par exemple, de notre salaire ou de notre truc comme ça. C'est-à-dire, on peut gérer notre argent de la manière qu'on veut à la fin. Tu vois, c'est pas à personne de nous dire comment ou de quelle façon ou sur quoi on peut dépenser notre argent ou non. Du moment que c'est dans le halal, c'est à la famille là, de décider, c'est au mari de décider ça. Non, il n'a pas à la consulter ou à demander quoi que ce soit. Mais il peut en discuter avec sa femme s'il veut en discuter avec elle pour lui expliquer ou pour lui dire qu'est-ce qu'il veut faire avec l'argent. Yanni, si par contre elle a de l'argent et qu'elle veut dépenser son argent, elle doit demander l'autorisation et la permission de son mari pour dépenser son argent. Tandis que l'argent de la famille, c'est-à-dire le mari, il n'a pas besoin de demander à sa femme la permission comment il va le dépenser. Du moment que, bien entendu, si c'est un homme qui est musulman, qui est responsable, puis qui est sérieux, qui ne va pas dépenser l'argent dans le haram ou dans des choses haram. Si par exemple, il a une addiction, il est accro au jeu de hasard ou des choses comme ça, puis qu'il gaspille tout l'argent, ou bien dans ce cas-là, c'est sûr que là, dans ce cas-là, il faut faire quelque chose. Il faut trouver une solution. Non, mais la femme, elle peut donner, elle doit, même si, elle peut, c'est-à-dire que la femme, elle doit donner le bon conseil à son mari. L'amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ça doit être fait dans la famille. Et la femme, elle doit ordonner à son mari de faire le bien et lui interdire de faire le mal. Mais, bien entendu, avec respect, puis avec sagesse, hein? Et puis, elle doit lui parler avec douceur et politesse et respect. Et s'il fait quelque chose qui n'est pas sage ou qui n'est pas bien avec l'argent ou qu'il gaspille, elle doit lui faire le rappel avec douceur et gentillesse pour lui expliquer qu'il devrait utiliser l'argent ou gérer l'argent de manière plus sage. Hein? Mais de dire, par exemple, la femme, il faut que le mari obligatoirement demande à sa femme la permission pour gérer l'argent, non, ça, c'est pas vrai. Et dans le cas contraire, il y a des hadiths qui mentionnent même que la femme, elle, si elle veut dépenser son argent, elle doit demander à son mari. Oui, son propre argent, elle doit demander la permission de son mari. Il y a un hadith là-dessus. Oui, parce que elle est sous la charge de son mari. L'homme, c'est son chef dans la maison. Donc, elle peut pas dépenser son argent sans que son mari soit d'accord. Hein? Et comme je disais, il y a un hadith à ce sujet-là. Bon, si je le retrouve, là, je vais vous le mentionner, Inch'Allah. Où est-ce qu'on en était? On en était rendu à la partie où le cheikh, il explique maintenant quand est-ce que ces droits de la femme, les droits de l'allocation de la femme, ils tombent. Il y a des cas dans lesquels la femme, elle n'aura plus droit à l'allocation. Et on va mentionner ces cas-là. Cheikh dit, « Wa tasqutu nafaqatu zawjati an zawjiha bi asbabin muta'addida. Minha, idha hubisat anhu, saqatat nafaqatuha. لفوات تمكنه من الاستمتاع بها والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع. Donc parmi les cas dans lesquels l'allocation de la femme tombe, c'est parmi les différentes causes de ça, c'est le fait qu'elle soit empêchée, qu'il soit empêché d'être avec sa femme. Si par exemple, on va dire la famille de la femme la retient et l'empêche de retourner, d'aller chez son mari. Alors, dans ce cas-là, par exemple, lui, il n'aura plus l'obligation de veiller à son allocation parce qu'il n'a plus la possibilité de jouir d'elle. Et de ce moment-là, l'obligation de lui donner son allocation, elle est reliée à sa capacité ou à sa possibilité d'avoir il y a année de pouvoir satisfaire avec elle ses besoins et de jouir d'elle. Donc, du moment qu'il ne peut plus avoir accès à sa femme, eh bien, dans ce cas-là, il n'a plus l'obligation de lui donner son allocation à ce moment-là. وَمِنْهَا إِذَا نَشَزَتْ عَنْهُ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَالنُّشُوزُ هُوَ مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فَفِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ كما لو امتنعت من فراشه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها أو خرجت من منزله بغير إذنه فلا نفقة لها في هذه الأحوال لأنها تعتبر ناشزا ولا لا يتمكن من الاستمتاع بها والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع. Donc il dit parmi les causes, il y a la femme qui est désobéissante. La femme qui est désobéissante, c'est comme dans le verset 34 dans Sourate An-Nisa. On appelle, c'est-à-dire la femme qui est désobéissante, on dit qu'elle est nashiza, hein? Minan nushuz. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, Wallati takhafuna nushuzahunna, hein? C'est-à-dire celle dont vous créez la désobéissance. Okay. Et une chose, c'est lorsque la femme, donc, elle désobéit à son mari dans ce qui lui est obligatoire. Alors, dans ce cas-là, son allocation, elle tombe. Il n'a plus l'obligation de lui donner cette allocation-là. Comme par exemple, lorsqu'elle s'abstient de venir dans son lit, lorsqu'il l'appelle au lit. Ou lorsqu'elle elle, c'est-à-dire sans excuse valable. Ou lorsqu'elle s'abstient de déménager vers un autre appartement qui lui convient. Hein, par exemple, il habite dans une autre appartement ou dans un autre endroit, puis il veut qu'elle vienne avec lui dans cet appartement-là, et elle refuse. Hein. Ou bien, elle sort de sa maison sans sa permission. Hein. Elle sort de sa maison sans sa permission. Alors, dans ce cas-là, il n'a plus d'allocation obligatoire à lui donner dans ces cas-là, parce qu'elle est considérée désobéissante. Et il n'a plus la possibilité de jouir d'elle. Donc, par conséquent, il n'a plus l'obligation de lui donner cette allocation-là. L'allocation, c'est-à-dire qu'est-ce que tu donnes à la femme de qu'est-ce qu'elle, par exemple, de dépenser pour elle pour sa nourriture, ses vêtements et son logement. C'est ça l'allocation, an-nafaqa. Hein? Il dit, wa minha law safarat لحاجتها فإنها تسقط نفقتها لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. Il dit par exemple si la femme elle sort pour un besoin qui lui concerne elle, ok, et dans ce cas-là, il n'a plus l'obligation de dépenser pour elle dans cette situation-là, parce que elle se prive de lui, elle le prive d'elle-même, elle lui prive d'elle-même à cause de quelque chose qui vient d'elle, de son côté. Et donc, par conséquent, sa nafaqa, elle tombe. Son allocation tombe. C'est-à-dire que si, par exemple, elle sort de la maison ou elle part, elle voyage quelque part, par exemple, pour une chose qui est de son... Il y en a pour son intérêt à elle. C'est quelque chose qu'elle fait pour elle-même. Et elle sort pour elle, par exemple, pour aller régler quelque chose qui lui est personnel. Et donc, elle fait en sorte que lui, il est privé d'elle à cause de ça. Alors, dans ce cas-là, il n'a plus l'obligation de son allocation pendant ce moment-là, pendant cette absence-là de sa part. Non, si elle sort sans sa permission, elle est désobéissante. Toutefois, si elle sort avec sa permission, là, dans ce cas-là, c'est-à-dire, c'est différent lorsque elle voyage avec lui ou lorsqu'elle sort parce que il veut qu'elle vienne avec lui, hein, ou bien il veut qu'elle aille faire quelque chose pour lui. Là, ça, c'est pas de sa faute à elle. Donc, dans ce cas-là, elle a toujours droit à la nafaqa. Mais si c'est quelque chose qu'elle doit aller faire pour elle-même et qu'à cause de ça, lui, il est privé d'elle, alors dans ce cas-là, sa nafaqa, elle tombe. Et le cheikh, il dit « Al-mar'atu al-mutawaffa anha la nafaqata laha min tarkati al-zawj li'anna al-mal intaqala min al-zawj ila al-waratha wa la sabab li-wujub al-nafaqati alayha fatakunu nafaqatuha ala nafsiha ou ala man yamunuha idha kanat faqira. » Donc, il dit, la femme dont l'époux est mort ou est décédé, elle n'a pas droit à une allocation de la part de ce que son mari a laissé, hein, de ce que son mari a laissé comme argent, parce que les biens qu'il a laissés se sont transférés aux héritiers de l'époux. Et donc, elle n'a aucune cause qui justifie l'obligation d'obtenir une allocation de son mari qui est défunt. Donc, par conséquent, c'est elle-même qui devra dépenser sur sa personne, ou ce sera à ceux qui vont s'occuper d'elle si elle est pauvre. Hein? C'est-à-dire ses proches ou sa famille. Hein? Ils ont le devoir de s'en occuper. Il dit... وإن كانت المتوفى عنها حاملا وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر. Donc il dit le cheikh que si par exemple la femme dont le mari est décédé, si cette femme-là elle était enceinte quand il est décédé son mari, alors dans ce cas-là, elle aura droit à une allocation de ce que son mari a laissé, hein, si il a laissé quelque chose. Sinon, eh bien, son allocation va incomber aux héritiers, si l'héritier de l'enfant ou du bébé qu'elle porte est aisé, hein, il est dans l'aisance. Il dit ensuite le cheikh, وإن اتفق على دفعها حبا جاز ذلك لأن احتياجه إلى كلفة ومؤونة فلا يلزمها قبوله إلا برضاها وتجب لها الكسوة كل عام من أوله فيعطيها كسوة السنة ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة أو كان حاضرا ولم ينفق عليها لزمته نفقة ما مضى لأنه حق يجب مع اليسار والإعصار فلم يسقط بمضي الزمان. Donc il dit ici le cheikh que lorsque les deux époux se sont mis d'accord sur un montant d'allocation et qu'ils sont ou bien qu'ils se sont mis d'accord pour le retarder, hein, ou pour le donner en avance le montant. Alors, ou de le donner en avance ou de le reculer une durée plus grande ou plus courte, ils ont le droit. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils peuvent s'entendre entre eux pour dire que, bon, ton allocation, je vais te la donner un peu plus tard. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ou bien, s'ils disent, bon, je vais te la donner en avance, ils peuvent se mettre d'accord sur ça. Il dit, ça c'est lorsqu'ils sont d'accord tous les deux. Toutefois, s'ils divergent, alors dans ce cas-là, il sera obligatoire yani, de donner yani, la nafaka au début de chaque jour. Hein? Ce sera permis. Et si il dit, s'il est capable de la donner en partie, hein, ou bien par morceau, eh bien ça c'est permis aussi. Parce que si par exemple il n'a pas la capacité ou les moyens de donner yani, tout d'un coup par exemple, donc elle doit yani, c'est obligatoire pour elle d'accepter ça, hein? Et elle doit être satisfaite de ça. Après il dit que pour les vêtements c'est la même chose, au début de chaque année il doit lui donner yani, ce qu'elle a comme droit en allocation pour ses vêtements, hein? Et s'il est absent ou s'il n'a pas laissé d'argent pour elle pendant son absence, et s'il est absent et qu'il n'a pas laissé d'argent ou d'allocation pour elle pendant son absence, ou s'il est présent mais qu'il ne lui a pas donné son allocation pour ses vêtements ou pour ses, qu'est-ce qu'elle a de besoin, alors il devra lui donner ce qu'il n'a pas donné pendant son absence plus tard, lorsqu'il revient. C'est-à-dire qu'elle peut lui exiger de lui donner ce qu'elle ne lui a pas donné dans le passé. Par exemple, on va dire que l'année passée, il ne lui a pas donné son allocation pour cette année. Alors, elle dit, bon, l'année passée, tu ne m'as pas donné l'allocation pour telle chose. Alors maintenant, c'est obligatoire pour toi de me le donner. Donc, elle peut exiger qu'est-ce qu'il n'a pas donné dans le passé. Et chacun, c'est obligatoire selon l'aisance qu'il a ou selon sa facilité ou son aisance. Il va donner selon ce qu'il peut, d'accord? Et selon ce qu'il a. S'il est riche, il va donner à sa femme l'allocation qu'elle mérite selon son statut. Et s'il est pauvre, il va donner à sa femme son allocation selon ce qu'il est capable. Et il dit, le fait que le temps soit passé, ça ne fait pas tomber l'obligation de donner de cette allocation là. Et il dit wa yabda'u waqtu wujubi nafaqati az-zawjati 'ala zawjiha min hin taslimi nafsiha lahu. Fa in a'sara bin nafaqati falaha fasxu nikahiha minhu. Li hadith Abi Huraira radiyallahu 'anhu marfu'an fi ar-rajuli la yajidu ma yunfiqu 'ala imra'atihi qala yufarraq baynahuma rawahu ad-Dharqutni. Il dit le cheikh que le temps de l'obligation de l'allocation. Hein, à partir de quand c'est obligatoire à l'homme de donner l'allocation à sa femme, c'est lorsque on remet au mari son épouse, c'est-à-dire lorsqu'on lui remet au moment du après le mariage. Et si la personne est en difficulté et il est incapable de donner à sa femme son allocation, alors elle peut exiger l'annulation du mariage à cause de ça. Parce que Abu Huraira, il a rapporté d'un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'homme qui n'a pas trouvé ce qu'il avait besoin ou ce qu'il devait pour allocation pour sa femme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on sépare entre eux, on sépare les deux. Et ça, c'est rapporté par Ad-Darqutni, c'est-à-dire que si l'homme est pas incapable de donner à sa femme son allocation, eh bien yani, elle peut exiger que le divorce soit annulé. Hein? Il dit walahu qawluhu wa li qawlihi ta'ala fa imsakun bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan wa laysa al-imsak ma'a tark an-nafaqati imsakan bi ma'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à l'homme de garder la femme, hein, selon la coutume et selon la bienséance, ou bien de laisser la femme avec bienveillance. Donc si tu la gardes mais que tu ne lui donnes pas sa nafaqa, son allocation, eh bien ça, c'est pas considéré comme le fait de la garder avec bienséance. Hein? Donc dans ce cas-là, c'est une preuve dans le Coran à ce sujet-là. Il dit wa in ghaba zawjun musirin wa lam yada' limra'atihi nafaqatan wa ta'adhdhara akhdhuha min malihi aw استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. Hein? Donc si par exemple le mari qui est riche, qui a les moyens, il n'a pas laissé à sa femme une allocation, ou qu'elle est incapable de prendre cette allocation de ses biens-là, de ses biens à lui, ou qu'elle est incapable également de prendre une dette, hein, pour payer son allocation, une dette au nom de son mari pour payer ses allocations, alors dans ce cas-là, elle aura le droit de faire annuler le mariage par la permission du juge. Par la permission du juge. Et il dit فَإِنْ قَدِرَتْ عَلَى مَالِهِ وَأَخَذَتْ قَدْرَ كِفَايَتِهَا فَإِنْ قَدَرَتْ عَلَى مَالِهِ أَخَذَتْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِنْدِ يعني خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لما ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها. Donc il dit le cheikh que si par exemple elle est capable de prendre ce qui lui est suffisant de ses biens, alors elle prend selon ce qui lui est suffisant. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim que Hind radiyallahu anha, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre que son mari ne lui donnait pas ce qui lui suffisait à elle et à son enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: prends ce qui te suffit à toi et à ton enfant selon la bienséance, hein, selon la coutume. Et ça, c'est la preuve donc que elle a le droit de prendre de ses biens s'il ne lui a pas donné son allocation. Elle a le droit de prendre de ses biens ce qui lui suffit. Hein? Et il dit ومن هذا et donc il dit ومن هذا وغيره ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعة وإعطاؤها كل ذي حق حقه وشأنها في كل تشريعاتها الحكيمة. Donc si par exemple une femme elle vit avec un homme et que cet homme là il est dans des difficultés financières et qu'il n'est pas capable de lui donner toute son allocation ou tout ce qu'elle a de besoin, et qu'elle décide, elle, de patienter et d'endurer, elle a le droit d'endurer, de patienter. D'accord? Mais aussi, par exemple, si son mari la prive de sa nafaqa, et que elle demande son droit, puis qu'elle le refuse, là, elle a le droit de demander, hein, que le mariage soit annulé dans ce cas-là. Et il dit ensuite, وَمِنْ هَذَا. Donc le cheikh, il dit, ça montre comment la charia, elle est complète et elle est parfaite. Et elle a donné à chacun le droit qui lui revient. Il dit, وَشَأْنُهَا فِي كُلِّ تَشْرِعَاتِهَا الْحَكِيمَ. Et c'est le cas dans toutes les différentes législations sages que Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées. Hein, فَقَبَّحَ اللَّهُ قَوْمًا يَعْدِلُونَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْقَوَانِينَ الْكُفْرِيَّةِ فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Donc, le cheikh il dit donc que soit maudit toute personne qui préfère aller vers des lois des kuffars plutôt que de revenir à la législation divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 50 dans Surat Al-Ma'ida, est-ce le jugement de l'ignorance qu'ils veulent? Et qui est meilleur en jugement pour un peuple qui a la conviction? Qui est meilleur en jugement que Allah pour un peuple qui a la conviction? Donc ça, c'est en ce qui concerne An-Nafaqa Al-Zawjiya. Maintenant, il y a le dernier point que le cheikh il a mentionné, c'est An-Nafaqatu Al-Aqarib Wal-Mamalik. C'est-à-dire l'allocation des proches et Al-Mamalik, c'est-à-dire ceux qui sont sous ta responsabilité parmi tes propriétés, comme par exemple des esclaves ou des animaux, des bétails et des choses comme ça. Donc, ça, par contre, je ne sais pas, mais je vois le temps, je vois l'heure, et je pense que si on le fait maintenant, ça va être trop long. Donc, c'est mieux de s'arrêter ici, puis on le terminera, Inch'Allah, au prochain cours pour la suite. D'accord? Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.